Chapitre 30. L'opéra. Quand l'horloge de la galerie principale sonna 7 coups, le clair de lune s'était déjà vidé de sa population. Tout le monde, depuis les invités permanents de l'ambassade jusqu'aux petits courtisans de passage, avait emprunté les ascenseurs qui montaient à la tour. Archibald avait attendu le dernier moment pour rassembler autour de lui la troupe d'opéra. Elle était composée de ses 7 sœurs, de Bérénilde et de sa suite, des dames de la chorale, ainsi que des ducs Hans et Otto, qui interpréteraient les 2 seuls rôles masculins de la pièce. « Prêtez-moi toute votre attention, » dit Archibald en sortant sa montre d'une poche trouée. « Dans quelques instants, nous allons prendre l'ascenseur et quitter l'asile diplomatique. Je vous enjoins donc d'être prudent. » La tour se situe hors de ma juridiction. Là-haut, il ne sera plus en mon pouvoir de vous garder de vos ennemis. » Il plongea ses yeux couleur ciel dans ceux de Bérénilde, comme s'il s'adressait à elle en particulier. Elle lui sourit avec espièglerie en vérité. Il semblait si sûr d'elle en cet instant qu'elle dégageait une aura d'invulnérabilité. Cachée sous son chapeau de gondolier, Ophélie aurait aimé partager son assurance. Sa rencontre avec sa future belle-famille lui avait fait l'effet d'une avalanche de neige. « Quant à vous, » poursuivit Archibald en se tournant 7 fois vers ses sœurs, « je vous ramènerai au clair de lune dès la fin de la représentation. » Il fit la sourde oreille lorsqu'elles poussèrent de hauts cris, objectant qu'elles n'étaient plus des enfants et qu'ils n'avaient pas de cœur. Ophélie se demanda si ces jeunes filles avaient jamais connu autre chose que le domaine de leurs frères. Quand Archibald offrit son bras à Bérénilde, toute la troupe se pressa devant la grille dorée de l'ascenseur, jalousement gardée par 4 gendarmes. Ophélie ne pouvait empêcher son cœur de battre plus fort. Combien de nobles n'avait-elle pas vu monter dans l'un de ces ascenseurs? À quoi ressemblait-il donc, ce monde d'en haut, vers lequel tout convergeait? Un portier ouvrit la grille et tira sur un cordon d'appel. Quelques minutes plus tard, l'ascenseur descendit de la tour. Vu du corridor, sa cabine ne paraissait avoir de place que pour contenir 3 ou 4 personnes. Pourtant, les 22 membres de la troupe entrèrent tous à l'intérieur, sans avoir à se bousculer. Ophélie ne fut pas surprise de découvrir une vaste salle avec des banquettes de velours et des tables garnies de pâtisseries. Les absurdités de l'espace faisaient maintenant partie de son quotidien. Des trompe-l'œil prolongeaient illusoirement cette surface déjà considérable en jardins ensoleillés et en galeries de statues. Ils étaient si réussis qu'Ophélie se cogna à un mur en croyant entrer dans une alcôve. L'air autour d'elle était saturé de parfums capiteux. Les 2 ducs emperruqués s'appuyaient sur le pommeau de leur canne, les dames de la chorale repoudraient leur nez d'un geste coquet. Évoluer parmi tout ce monde sans heurter personne avec sa rame fut un véritable exploit. À côté d'elle, la tante Roselyne n'avait pas les mêmes difficultés puisque son seul accessoire se résumait à la fiole qu'elle devrait remettre à Bérénilde sur scène. Elle la manipulait nerveusement, de plus en plus agitée, comme si elle tenait un charbon ardent. Vêtue d'une livrée jaune miel, un groom agita une clochette. « Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons partir. Nous desservirons la salle du conseil, les jardins suspendus, les thermes des courtisanes et notre terminus, l'opéra familial. La compagnie des ascenseurs vous souhaite une excellente ascension. » La grille dorée se referma et l'ascenseur s'éleva avec une lenteur pachydermique. Agrippée à sa rame comme si sa vie en dépendait, Ophélie ne quittait pas des yeux Bérénilde. Avec la soirée qui s'annonçait, il lui semblait essentiel que l'une d'elles au moins se tînt vigilante. Jamais l'atmosphère ne lui avait paru aussi chargée d'orage. La foudre allait tomber, c'était une certitude, et restait maintenant à savoir où et quand. Lorsqu'elle vit Archibald se pencher à l'oreille de Bérénilde, Ophélie s'avança d'un pas pour mieux les écouter. « J'ai assisté, bien malgré moi, à votre petite réunion de famille. » Ophélie sourcilla, puis elle se rappela qu'Archibald pouvait voir et entendre tout ce que ses sœurs voyaient et entendaient. « Vous ne devriez pas tenir compte de toutes ces provocations, cher ami, » poursuivit-il. « Me croyez-vous faite en sucre ?» le taquina Bérénilde en secouant ses bouclettes blondes. Ophélie vit un sourire s'allonger sur le profil angélique d'Archibald. Je sais pertinemment de quoi vous êtes capable, mais je suis tenue de veiller sur vous et sur l'enfant que vous portez. Chaque année, votre grande chasse familiale apporte son lot de morts. Ne perdez simplement pas cela de vue. Ophélie frissonna de tout son corps. Elle revoyait les immenses carcasses de mammouths et d'ours que l'aïeul Augustus avait dessinées dans son carnet de voyage. Bérénilde envisageait-elle sérieusement de les emmener à la chasse demain? Ophélie avait beau y mettre de la bonne volonté, elle ne s'imaginait pas en train de participer à une battue dans la neige et dans la nuit, par moins de 25 degrés. Elle étouffait de devoir toujours se taire. « L'opéra familial !» annonça le groom. Perdue dans ses pensées, Ophélie suivit le mouvement de la troupe. Ce qui devait arriver arriva. Elle heurta quelqu'un avec sa rame de gondolier. Elle enchaîna les courbettes pour exprimer sa confusion avant de réaliser qu'elle les adressait à un petit garçon. « Ce n'est rien, » dit le chevalier en se frottant l'arrière du crâne. « Je n'ai pas eu mal. » Derrière ses épaisses lunettes rondes, son visage était inexpressif. Qu'est-ce que cet enfant faisait avec eux dans l'ascenseur? Il était si discret qu'Ophélie ne l'avait pas remarqué. Elle garda de cet incident un inexplicable sentiment de malaise. Dans le grand hall, quelques gentilshommes traînaient encore à fumer des cigares. Au passage de la troupe, ils se retournèrent en badinant. Ophélie était trop éblouie pour bien les voir. Les 12 lustres en cristal de la galerie se reflétaient parfaitement dans les parquets vernis. Elle avait l'impression de marcher sur des bougies. Le hall déboucha au pied d'un monumental escalier d'honneur à double révolution. Tout de marbre et de cuivre, de mosaïque et de dorure, c'était lui qui menait à la salle d'opéra. À chaque marche palière, des statues en bronze brandissaient des lampes à gaz en forme de lyre. Les deux volets symétriques desservaient les couloirs périphériques où les tentures des loges et des balcons étaient déjà presque toutes tirées. L'air y bruissait de murmures et de rires étouffés. Ophélie fut prise de vertige à l'idée de devoir gravir les innombrables marches. Chaque mouvement lui enfonçait une lame invisible dans les côtes. Fort heureusement, la troupe contourna le grand escalier, descendit quelques marches et passa par l'entrée des artistes située juste sous la salle de l'opéra. « C'est ici que je vous laisse, » chuchota Archibald. « Je dois regagner ma place au balcon d'honneur avant l'arrivée de notre Seigneur. »« Vous nous donnerez vos impressions après le spectacle ?» le pria Bérénilde. « Les autres me flatteront sans une once de sincérité. Je sais au moins que je peux compter sur votre indéfectible franchise. »« Ce sera à vos risques et périls. Je goûte fort peu l'opéra. » Archibald lui adressa un coup de chapeau et referma la porte derrière lui. L'entrée des artistes donnait sur un complexe lacis de couloirs qui desservaient les entrepôts du décor, les salles des machines et les loges des chanteurs. Ophélie n'avait jamais mis les pieds dans un opéra de sa vie. Pénétrer dans ce monde par les coulisses était une expérience fascinante. Elle posa un regard curieux sur les figurants en costume et les cabestans qui servaient à tracter les rideaux ou à changer les décors. Ce ne fut qu'une fois arrivée à la loge des cantatrices qu'elle s'aperçut que la tante Roseline ne les suivait plus. « Allez vite la chercher !» ordonna Bérénilde en s'asseyant devant une coiffeuse. « Elle n'apparaît qu'à la fin de l'acte 1, mais elle doit impérativement rester auprès de nous. » Ophélie était de cet avis. Elle posa sa rame pour ne pas s'encombrer inutilement, puis s'enfuit le long des coursives. La fosse d'orchestre devait se trouver juste au-dessus. Elle pouvait entendre les musiciens en train d'accorder les instruments. À son grand soulagement, elle trouva sans mal la tante Roseline. Plantée au milieu d'un couloir, toute raide, dans son austère robe noire, elle gênait le passage des machinistes. Ophélie lui fit signe de la suivre, mais sa tante ne parut pas la voir. Elle tournait sur elle-même, complètement désorientée, sa fiole entre les mains. « Fermez donc ces portes !» grommela-t-elle entre ses dents. « J'ai horreur des courants d'air !» Ophélie s'empressa de la prendre par le bras pour la guider jusqu'à la loge. Sans doute était-ce à cause du trac, mais la tante Roseline commettait des imprudences. Elle ne devait surtout pas se laisser aller à parler ainsi en public. Son accent animiste s'entendait dès qu'elle sortait du cadre des « oui, madame » et des « bien, madame ». La tante Roseline se ressaisit d'elle-même quand Ophélie la fit asseoir sur un siège dans la loge des cantatrices. Elle se tint droite et silencieuse, sa fiole serrée contre elle tandis que Bérénilde faisait des vocalises. Les sœurs d'Archibald étaient déjà montées dans les coulisses. Elles apparaîtraient dès l'ouverture. Bérénilde ne ferait son entrée qu'à la scène 3 de l'acte 1. « Prenez ceci. » Bérénilde venait de se tourner vers Ophélie pour lui remettre des jumelles de théâtre. Magnifiée par sa robe de scène et ses cheveux somptueusement coiffés, elle avait des allures de reine. « Montez là-haut et jetez discrètement un coup d'œil au balcon de Farouk. Lorsque ces charmantes enfants feront leur apparition, observez-le avec attention. Vous avez 10 minutes, pas une de plus. » Ophélie comprit que c'était à elle que Bérénilde s'adressait, non à Mime. Elle sortit de la loge, traversa un couloir et monta un escalier. Elle leva les yeux vers la passerelle, mais le grand lambrequin faisait écran. De là-haut, elle ne verrait pas la salle. Elle gagna les coulisses, plongée dans la pénombre où des robes froufroutantes se pressaient comme des cygnes agités. Les sœurs d'Archibald attendaient désespérément d'entrer en scène. Quelques applaudissements se firent entendre. C'était le lever de rideau. L'orchestre entama les premiers accords de l'ouverture et les dames de la chorale élancèrent leur voix à l'unisson. « Seigneur, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort ?» Ophélie contourna le plateau de scène et repéra des pendillons, ses tentures flottantes tendues en arrière-plan pour dissimuler les coulisses. Elle jeta un coup d'œil furtif entre les pans des rideaux. Elle vit d'abord l'envers du décor d'une ville en 2 dimensions, puis le dos des dames de la chorale et enfin la grande salle de l'opéra. Ophélie ôta son chapeau à long ruban et posa les jumelles de théâtre sur ses lunettes. Cette fois, elle put voir avec précision les rangées de fauteuils or et carmin qui tapissaient le parterre. Peu de sièges étaient vacants. Bien que le spectacle eût officiellement commencé, les nobles continuaient de se parler entre eux sous le couvert des gants et des éventails. Ophélie les trouva outrageusement impolis. Les dames de la chorale avaient répété pendant 10 jours pour cette représentation. Agacée, elle hissa ses jumelles vers les galeries supérieures qui escaladaient la salle d'opéra sur 5 niveaux. Toutes les loges étaient prises. On y bavardait, on y riait, on y jouait aux cartes. Mais personne ne prêtait l'oreille à la chorale. Lorsque le grand balcon d'honneur apparut dans le double cerclage des jumelles, Ophélie retint son souffle. Thorn était là. Guindé dans son uniforme noir à brandebourgs, il consultait ce qu'elle supposa être son inséparable montre à gousset. Fallait-il donc que sa charge d'intendant fût importante pour qu'il eût sa place ici ? Ophélie reconnut Archibald à son vieux haut de forme juste à côté de lui. Il observait ses ongles d'un air oisif. Les deux hommes s'ignoraient avec une telle ostentation, sans même faire semblant de s'intéresser à la pièce, qu'Ophélie ne put retenir un soupir excédé. Il ne donnait vraiment pas l'exemple. D'un glissement de jumelles, elle fit défiler toute une rangée de femmes endiamantées, probablement des favorites, avant de découvrir un géant vêtu d'un élégant manteau de fourrure. Ophélie écarquilla les yeux. C'était donc lui, cet esprit de famille autour duquel gravitaient tous ces nobles, toutes ces castes, toutes ces femmes. Lui à qui Bérénilde vouait une passion éperdue, lui pour qui l'on s'assassinait à tour de bras. L'imagination bouillonnante d'Ophélie en avait façonné au fil des semaines un portrait contradictoire, tour à tour glacial et brûlant, doux et cruel, superbe et effrayant. Apathique. C'est le premier mot qui lui traversa l'esprit en découvrant ce grand corps avachi sur son trône. Farouk se tenait assis à la façon des enfants qui s'ennuient. Juste au bord du siège, coude sur les accotoirs, dos voûté jusqu'à la bosse. Il avait juché son menton sur son poing pour l'empêcher de chavirer en avant. Le tuyau d'un narguilé était entouré autour de son autre main. Ophélie l'aurait bel et bien cru endormie si elle n'avait intercepté, dans l'entrebâillement des paupières, l'étincelle d'un regard morne. Malgré les jumelles, elle distinguait mal le détail de sa physionomie. Peut-être aurait-ce été possible si Farouk avait présenté des traits puissants, des contrastes forts, mais il possédait la pureté du marbre. Ophélie comprit, en le voyant, pourquoi ses descendants étaient tous si pâles de peau et de cheveux. Sa figure imberbe, où l'on devinait à peine l'arcade des sourcils, l'arête du nez, le pli de la bouche, semblait faite de nacre. Farouk était parfaitement lisse, sans ombre, sans aspérité. Sa longue natte blanche était torsadée autour de son corps comme une étrange rivière de glace. Il paraissait à la fois vieux comme le monde et jeune comme un dieu. Sans doute était-il beau, mais Ophélie le trouvait trop dépourvu de chaleur humaine pour s'en émouvoir. Elle surprit enfin un mouvement d'intérêt dans toute cette torpeur lorsque les sœurs d'Archibald apparurent sur scène. Farouk mâchouilla le bec de son narguilé, puis, avec la lenteur suave du serpent, il tourna la tête vers ses favorites. Le reste de son corps n'avait pas bougé, tant et si bien que son cou finit par adopter un angle impossible. Ophélie vit les lèvres de son profil remuées, et toutes les favorites pâles de jalousie firent passer le message de bouche à oreille jusqu'à Archibald. Le compliment ne devait pas être à son goût, car Ophélie le vit se lever de son siège et quitter le balcon. Thorn, quant à lui, n'avait pas lâché sa montre des yeux. Il avait hâte de regagner son intendance et n'en faisait aucun mystère. La marque d'intérêt que Farouk avait manifestée pour les sœurs de l'ambassadeur se propagea des balcons au parterre. Tous les nobles qui avaient boudé le spectacle jusqu'à cet instant se mirent à applaudir chaleureusement. Ce que l'esprit de famille approuvait. Toute sa cour l'approuvait. Ophélie referma les pendillons et reposa le chapeau de gondolier sur sa tête. Elle pourrait rendre ses jumelles à Bérénilde. Elle avait bien appris sa leçon. Dans les coulisses, des admirateurs se pressaient déjà pour déclarer leur flamme aux sœurs d'Archibald. Aucun d'eux n'accorda un seul regard à Bérénilde, dressée dans sa gondole sur rail comme une reine solitaire. Quand Ophélie monta à l'arrière pour s'installer à la place du rameur, elle l'entendit murmurer à travers son sourire. « Profitez de ces miettes de gloire, mes mignonnes, elles seront éphémères. » Ophélie pencha l'aile ample de son chapeau sur son visage. Bérénilde lui donnait parfois froid dans le dos. Au loin, les violons et les harpes de l'orchestre annoncèrent l'entrée d'Isolde. Le mécanisme propulsa en douceur la gondole sur les rails. Ophélie prit une inspiration pour se donner du courage. Elle allait devoir tenir son rôle de rameur tout au long du premier acte. Lorsque l'embarcation s'engagea sur le plateau de la Seine, Ophélie contempla ses mains vides avec incrédulité. Elle avait oublié sa rame dans la loge. Elle posa un regard affolé sur Bérénilde, espérant d'elle le miracle qui les sauverait du ridicule, mais la cantatrice se rengorgeait déjà, éblouissante sous les feux de la rampe. Ophélie dut se résoudre à improviser, ne trouvant rien de mieux à faire que mimer la gestuelle du rameur sans son précieux accessoire. Elle n'aurait probablement jamais attiré l'attention si elle ne s'était tenue debout haut perché au bord de la gondole. Mortifiée, elle se mordit la lèvre quand des éclats de rire jaillirent de la salle, brisant Bérénilde dans son élan alors qu'elle entonnait « Nuit d'amour dans la cité du ciel, à nul autre pareil ». Interdite. Aveuglée par l'éclairage de la scène, Bérénilde eut plusieurs respirations suffoquées avant de comprendre que ce n'était pas d'elle qu'on se moquait, mais de son rameur. Derrière elle, Ophélie s'efforça de garder sa contenance, se déhanchant en silence au gré d'une rame invisible. C'était cela ou rester bêtement les bras ballants. Bérénilde se recomposa alors un sourire de toute beauté qui coupa court aux railleries et reprit son chant comme si elle n'avait pas été interrompue. Ophélie l'admira sincèrement. En ce qui la concernait, il lui fallut beaucoup de coups de rame imaginaire avant de cesser de fixer ses souliers. Tandis qu'autour d'elle se chantaient l'amour, la haine et la vengeance, Ophélie avait de plus en plus mal aux côtes. Elle essaya de se concentrer sur l'illusion de l'eau qui s'écoulait sans fin au milieu des maisons en carton et des ponts improvisés, mais ce spectacle ne lui changea pas longtemps les idées. Abritée sous son chapeau, elle risqua alors un coup d'œil curieux vers le balcon d'honneur. Sur son trône, Farouk s'était métamorphosé. Ses yeux brillaient comme des flammes. Son visage de cire fondait à vue d'œil. Ce n'était ni l'intrigue de l'opéra ni la beauté du chant qui lui faisait cet effet, mais Bérénilde et Bérénilde seule. Ophélie comprenait maintenant pourquoi elle avait tant tenu à reparaître devant lui. Elle était parfaitement consciente de l'emprise qu'elle exerçait sur lui. Elle maîtrisait à la perfection la science de la sensualité, celle qui sait attiser les braises du désir par le seul langage du corps. Voir ce colosse de marbre se liquéfier à la vue de cette femme était un spectacle troublant pour Ophélie. Elle ne s'était jamais sentie si étrangère à leur monde qu'à cet instant. La passion qui les liait était sans doute la chose la plus vraie et la plus sincère à laquelle elle assistait depuis son arrivée au pôle. Mais cette vérité-là, Ophélie n'en ferait jamais l'expérience. Plus elle les observait, l'un et l'autre, plus elle en était convaincue. Elle pourrait faire des efforts pour se montrer plus indulgente envers Thorn. Ce ne serait jamais de l'amour. S'en rendait-il compte, lui aussi? Si elle n'avait pas oublié sa rame, Ophélie l'aurait probablement lâchée de surprise. Elle venait seulement de remarquer le regard acéré que Thorn appuyait sur elle du balcon d'honneur. Considérée d'un autre point de la scène, nul n'aurait pu saisir cette nuance dans l'angle de son regard et douter, en conséquence, qu'il ne fût tout entier à sa tante. Cependant, de là où Ophélie se tenait à l'extrémité de sa gondole, elle voyait bien que c'était Mime qu'il fixait de la sorte, sans le moindre embarras. « Non, » pensa alors Ophélie avec une torsion de ventre, « il ne s'en rend pas compte, il attend de moi quelque chose que je suis incapable de lui offrir. » Comme l'acte touchait à sa fin, un nouvel incident la ramena aux réalités immédiates. La tante Roseline, censée apporter le filtre d'amour à Isolde, ne fit jamais son apparition sur scène. Un silence gêné tomba parmi les chanteurs et Bérénilde elle-même resta sans voix durant un long moment. Ce fut un figurant qui la sortit d'embarras en lui remettant une coupe à la place de la fiole. Dès lors, Ophélie ne pensa plus ni à Thorn, ni à Farouk, ni à l'opéra, ni à la chasse, ni à sa côte. Elle voulait voir si sa tante allait bien. Rien d'autre n'avait plus d'importance à ses yeux. Quand les rideaux tombèrent pour l'entracte au milieu des applaudissements et des bravos, elle descendit de la gondole sans un regard pour Bérénilde. De toute façon, elle n'aurait plus besoin d'elle pour l'acte 2. Ophélie fut soulagée de trouver la tante Roseline dans la loge, à l'endroit précis où elle l'avait laissée. Assise sur sa chaise, très droite, sa fiole entre les mains, elle ne semblait tout simplement pas avoir réalisé que l'heure avait tourné. Ophélie lui secoua doucement l'épaule. « Nous n'y arriverons pas si nous bougeons sans cesse », déclara la tante Roseline d'un ton pincé, le regard perdu dans le vague. « Pour réussir une photographie, il faut tenir la pose. » Délirait-elle ? Ophélie appuya une main sur son front, mais il semblait d'une température normale. Cela ne l'inquiéta que davantage. Et déjà, tout à l'heure, la tante Roseline se comportait étrangement. De toute évidence, quelque chose ne tournait pas rond. Ophélie vérifia qu'elles étaient seules dans la loge, puis elle s'autorisa à parler du bout des lèvres. « Vous ne vous sentez pas bien ?» La tante Roseline balaya l'air comme si une mouche lui tournait autour, mais elle ne répondit pas. Elle semblait complètement perdue dans ses pensées. « Ma tante !» l'appela Ophélie, de plus en plus inquiète. « Tu sais pertinemment ce que j'en pense de ta tante, mon pauvre Georges !» marmonna Roseline. « C'est une analphabète qui se sert de ses livres comme combustible. Je refuse de fréquenter quelqu'un qui respecte aussi peu le papier. » Ophélie la considéra avec de grands yeux ébahis. L'oncle Georges était mort il y avait de cela une vingtaine d'années. La tante Roseline n'était pas perdue dans ses pensées. Elle était perdue dans ses souvenirs. « Ma reine !» l'implora Ophélie dans un murmure. « Tout de même, vous me reconnaissez ?» La tante ne lui accorda aucun regard, à croire qu'Ophélie était faite en verre. Celle-ci fut envahie par un incontrôlable sentiment de culpabilité. Elle ne savait ni pourquoi ni comment, mais elle avait confusément l'impression que ce qui arrivait à la tante Roseline était sa faute. Elle avait peur. Peut-être n'était-ce rien, juste un égarement passager, mais une petite voix en elle lui soufflait que c'était bien plus grave que cela. Elle allait avoir besoin de Bérénilde. Avec des gestes précautionneux, Ophélie ôta la fiole des mains crispées de sa tante, puis elle resta assise auprès d'elle tout le temps que durèrent l'acte 2 et l'acte 3. Ce fut une attente interminable que la tante Roseline ponctua de phrases sans queue ni tête, sans jamais vouloir refaire surface. C'était intolérable de la voir assise sur cette chaise, le regard ailleurs, à la fois proche et inaccessible. « Je reviens. » chuchota Ophélie quand les applaudissements firent vibrer le plafond de la loge. « Je vais chercher Bérénilde. Elle saura quoi faire. »« Tu n'as qu'à ouvrir ton parapluie, » répondit la tante Roseline. Ophélie remonta l'escalier qui menait aux coulisses aussi rapidement que le lui permettait sa côte. À force de remuer, la douleur l'empêchait presque de respirer. Elle se faufila à travers les figurants qui se massaient sur scène pour effectuer leur salut. Les tonnerres d'applaudissements propageaient des tremblements sous ses pieds. Des bouquets de roses étaient jetés par dizaines sur les planches. Ophélie saisit mieux la raison de tous ces honneurs quand elle vit Bérénilde en train de recevoir un baise-main de Farouk. L'esprit de famille était venu sur scène en personne pour lui exprimer publiquement son admiration. Bérénilde était en état de grâce, radieuse, épuisée, superbe et victorieuse. Ce soir, grâce à sa prestation, elle venait de reconquérir son titre de favorite parmi les favorites. Le cœur battant, Ophélie ne pouvait détacher ses yeux de Farouk. Vu de près, ce magnifique géant blanc était beaucoup plus impressionnant. Ce n'était pas étonnant qu'il fût pris pour un dieu vivant. Le regard qu'il posait sur Bérénilde, palpitante d'émotion, luisait avec un éclat possessif. Ophélie put lire sur ses lèvres le seul mot qu'il prononça. « Venez !» Il enroula ses doigts immenses sur l'arrondi délicat de son épaule et lentement, lentement, ils descendirent les marches de la scène. La foule des nobles se referma sur leur passage comme une lame déferlante. Ophélie sut qu'elle ne pouvait pas compter sur Bérénilde ce soir. Elle devait trouver Thorne.